Ce jerrycan et ces bouteilles d'eau nous ont permis de transporter l'eau depuis l'évier des toilettes du Shadok jusqu'à la pièce où se tenait l'atelier pour les mettre dans nos bocaux avec les ferments, car l'eau est un élément essentiel de la fermentation, non seulement car les ferments sont immergés, mais aussi parce qu'il faut nettoyer les bocaux avant de s'en servir, car la fermentation nécessite une certaine hygiène.